Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, le procès de Lady Chatterley. En France, lorsqu'on ne le confond pas avec Laurence d'Arabie, le britannique D.H. Lawrence reste dans les esprits comme l'auteur du récit des amours torrides de Constance et de son garde-chasse, le fameux amant de Lady Chatterley. Étonnant destin que celui de ce livre, écrit en 1928 et qui suscita tant de fantasmes et de malentendus. Un texte réputé sulfureux, pornographique, qui fut longtemps censuré en Grande-Bretagne. Mais en 1960, 30 ans après la mort de l'auteur, un éditeur, Penguin Books, décide de le publier. Résultat immédiat, la couronne britannique l'attaque pour publication obscène. Un procès retentissant s'ouvre alors à la cour criminelle de Londres. 6 jours durant, l'amant de Lady Chatterley est appelé à la barre. Ses censeurs fustigent le réalisme des scènes de sexe, le roman d'une femme immorale, l'histoire d'un adultère qui se termine bien, la tuile pour les moralistes. Les défenseurs du livre, bien plus nombreux, rendent hommage au contraire, au courage d'un écrivain engagé, visionnaire au plus près de la vérité émotionnelle. Tous, oui, tous soulignent la modernité d'une œuvre qui décrit comme jamais auparavant l'émancipation d'une femme à travers sa conquête du désir. N'est-ce pas ça, d'ailleurs, et au fond, ce que l'on reproche à Lawrence, d'avoir su si bien décrire le plaisir féminin. Notre invitée aujourd'hui, la réalisatrice Mathilde Damoisel. En 2019, elle signe le très beau documentaire « Le procès de Lady Chatterley, orgasme et lutte des classes dans un jardin anglais », produit par Quark et diffusé sur Arte. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Margot Opinel, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Il est très exactement 15h de l'après-midi et il fait un soleil magnifique à Trafalgar Square. Ce qui n'est pas surprenant donc si beaucoup d'Anglais viennent en profitent plutôt pour se promener au milieu de l'après-midi. J'ai à côté de moi Madame Shepherd. What are you afraid by, mostly? Oh, I don't think I'm really afraid about anything. Don't have any fear? No, no. Why should I? You think that the life is wonderful? I think it's a marvelous life, yes. You are very happy? Very happy indeed. Wish I could live it all over again. You don't have any fear? None at all. Oh, you are a very lucky woman. Madame Schaeffer n'est effrayée par rien, n'a aucune crainte, la vie est magnifique, tout va bien. Pour la fameuse émission de l'ORTF 5 colonnes à la une, 4 journalistes s'envolent pour Moscou, Paris, New York et Londres, histoire de prendre le pouls du monde en cette fin de décennie. Ils interrogent la femme, l'homme de la rue sur leurs rêves, leurs regrets. À la télévision française, la mode est au micro-trottoir et outre-Manche, vous venez de l'entendre, l'heure est à l'optimisme. Il fait beau sur Trafalgar Square, Miss Shepherd rayonne, la vie est magnifique, d'ailleurs ça n'est jamais allé aussi bien. Pour reprendre le dernier slogan de campagne des conservateurs britanniques, largement réélu en cette année 59. Et c'est sans doute vrai que tout va bien, économiquement en tout cas. Alors que la France entre pleinement dans les Trente Glorieuses, en Angleterre aussi on dit au revoir à un demi-siècle de guerre et de disette. Bonjour la prospérité, la consommation, la télévision, les foyers britanniques se modernisent. Pour ce qui est des mentalités, en revanche, on est encore loin des années folles du swing in London. En témoignent le monopole et la censure de la chaîne d'État, la très fameuse BBC. Toujours engoncé dans ses mœurs rigides, le Royaume-Uni vit calmement ses hypocrisies morales et sexuelles. Mais déjà un vent nouveau souffle dans la jeunesse. Les enfants issus de la classe moyenne peuvent enfin suivre des études et les écoles d'art se remplissent d'artistes, de plasticiens et autres musiciens. La littérature n'est pas en reste et prépare également le terrain à la révolution des 60s. John Brayne, John Osborne ou Harold Pinter, entre autres, sont à ce point en colère contre l'establishment qu'on les appellera les « angry young men », les jeunes hommes en colère. Le député travailliste Roy Jenkins, lui, n'est plus tout jeune, mais l'indignation est intacte. Main dans la main avec la Société des auteurs britanniques, il propose d'assouplir la loi sur les publications obscènes, vieille de plus d'un siècle et extrêmement restrictive. Le 29 juillet 1959, après 5 ans d'affrontement entre censeurs et réformateurs, une nouvelle loi est finalement adoptée. Désormais, les éditeurs de textes jugés obscènes peuvent échapper à une condamnation s'ils parviennent à démontrer la valeur littéraire de l'ouvrage visé. Que va signifier ce projet de loi pour un type comme moi, qui achète des livres ? Eh bien, si vous êtes un lecteur régulier de publications obscènes, alors je pense que cela vous affectera beaucoup. Pour la première fois dans l'histoire de ce pays, l'art, la littérature et la science se voient accorder une position particulière et bénéficient d'une défense équitable grâce à cette loi. Jusqu'à aujourd'hui, des livres pouvaient être détruits par un magistrat sur information d'un gendarme ou d'un douanier sans pouvoir dire un mot. En vertu de cette loi, un an plus tard, le 26 août 1960, les éditions Penguin Books, champions des livres de poche, tentent un coup magistral. Elles annoncent la publication, pour la première fois en Angleterre, de la version non censurée de L'amant de Lady Chatterley, roman du célèbre auteur britannique David Herbert Lawrence, mort 30 ans plus tôt. Un livre réputé sulfureux, scandaleux, pornographique, interdit en Grande-Bretagne et aux États-Unis depuis sa sortie à compte d'auteur en 1928. 32 ans plus tard, 200 000 copies de Lady Chatterley sortent des presses de Penguin Books. Un pari audacieux mais dangereux. La riposte d'ailleurs est immédiate. La couronne britannique attaque l'éditeur pour publication obscène. Charge maintenant aux avocats de la défense de convaincre le tribunal des qualités littéraires du roman. Dans l'attente du procès prévu pour le mois d'octobre 60, 12 jurés sont tirés au sort, 9 hommes et 3 femmes. Ce sont eux qui devront décider de lever ou non la censure. Avant de siéger, on leur donne 3 jours pour lire L'amant de Lady Chatterley, 400 pages inédites au parfum de scandale. Installés dans une salle du tribunal à huis clos, les jurés découvrent alors l'histoire de Constance Chatterley dans l'Angleterre des années 20. À 25 ans, elle vit dans la région des Midlands avec son mari, un riche propriétaire terrien prénommé Clifford. Mais depuis qu'il est revenu de la Grande Guerre, il est paralysé des jambes et sexuellement impuissant. Dévouée, la jeune Constance passe ses journées à s'occuper de lui et mène une vie monotone dans le château de Rugby, au cœur des Houillères, sans aucun espoir d'avoir un jour un enfant. Mais un matin, elle rencontre Mellors, le garde-chasse du domaine. Un homme du peuple, Mellors, au charme sauvage, qui va lui faire découvrir ce qu'elle ne connaissait pas encore, le plaisir. Elle restait étendue, parfaitement immobile, dans une sorte de rêve. Puis elle tressaillit en sentant la main errant doucement, avec une curieuse et hésitante maladresse parmi ses vêtements. Et pourtant la main savait aussi comment la dévêtir, là où elle le voulait. Il fit descendre le mince fourreau de soie, lentement, soigneusement, presque sur ses pieds. Alors, avec un frémissement d'intense plaisir, il toucha ce corps doux et chaud. Et un instant, lui effleura le nombril d'un baiser. Et il lui fallut entrer en elle tout de suite, entrer dans la paix sur terre qu'était son corps doux et immobile. Ce fut pour lui un moment de paix parfaite, cette entrée dans le corps de la femme. Depuis lors, Constance Chatterley se rend tous les jours dans la cabane du garde-chasse. Un taudis d'objets hétéroclites, dont elle fera pourtant son sanctuaire, car c'est ici, oui, ici qu'elle va renaître, reprendre goût à la vie. Le roman d'Eddie H. Lawrence raconte alors un voyage initiatique, l'émancipation d'une femme à travers la conquête de son corps, sans fausse pudeur. C'est aussi une sublime ode à la nature, où les ébats des amants se doublent d'une douce communion avec les bois alentours. Roman politique enfin, car Lawrence ose mêler les classes sociales à travers cet adultère entre un prolétaire et une lady. Bravant les interdits de leur milieu, les deux amants iront jusqu'au bout de leur défi pour donner naissance à un fils. Autant de transgressions conjugales et sociales qui vaudront à l'amant de Lady Chatterley les foudres de la censure dès sa publication en 1928. 32 ans plus tard, en 1960, eh bien rien n'a changé. Oui, mais pour combien de temps ? Les 12 jurés tirés au sort referment le livre, dûment annoté. Leur verdict fera jurisprudence. C'est la première fois, en effet, qu'en Angleterre, un jury est appelé à se prononcer sur le caractère obscène d'un ouvrage. Autrefois, un juge seul en décidait, et sa décision était sans appel. C'est le plus grand procès littéraire depuis celui de Madame Bovary. La scène se passe dans la salle numéro 1 du tribunal de l'Old Bailey à Londres. Dans le box des accusés, un livre. Un petit Inuit à couverture orange et blanche de la collection bon marché Penguins. C'est L'amant de Lady Chatterley, version intégrale, le célèbre roman que D.H. Lawrence écrivit en 1928, 2 ans avant d'aller mourir de tuberculose à Vence. Le procès s'ouvre le 20 octobre 1960 à la cour criminelle de Londres, la célèbre Old Bailey. D'emblée, la presse et la radio britannique se passionnent pour l'affaire. Pensez donc, la reine contre Lady C, c'est le procès de l'année. Au premier jour d'audience, la parole est à l'accusation menée par Mr. Griffith Jones. Le visage encadré par une longue perruque grise, pincée et outrée, le procureur monte à la tribune et déclare « Membre du jury, je vous invite à considérer, car c'est un fait, que ce livre décrit la façon dont Lady Chatterley, privée de sexe par son mari, satisfait ses désirs sexuels. Ces désirs d'une femme affamée de sexe, elle les assouvit dans les bras d'un homme particulièrement sensuel, qui se révèle être le garde-chasse de son mari. » Vous avez ici chaque épisode de leur relation sexuelle. Oui, on trouve 13 scènes de sexe dans ce livre. Le rideau n'est jamais tiré. Puis il brandit aux yeux des jurés son exemplaire de L'amant de Lady Chatterley, publié par Penny Books 2 mois auparavant. Lui aussi l'a dûment annoté et, preuve de sa lecture attentive, il poursuit son décompte. Les mots « fuck » et « fucking » n'apparaissent pas moins de 30 fois. On dénombre 14 « cunt », traduisait « chat », quelques 13 « balls », traduisait « couille », et puis « merde et cul », oui, 6 fois chacun, et ainsi de suite. Ça lui écorche un peu la bouche au procureur, tous ces bons vieux mots anglo-saxons, mais il en arrive au bout de sa démonstration, apostrophant le jury. Alors, mesdames, messieurs, je vous pose la question. Accepteriez-vous que ce livre soit lu par vos épouses et vos domestiques ? La phrase, celle qu'on retient forcément, qui fait sursauter la cour, reprise dès le lendemain par toute la presse britannique. C'est comme une vague de stupéfaction amusée qui parcourt alors le pays. Et l'expression « pas pour les épouses et les domestiques » est reprise en mode plaisanterie par des millions de personnes. Dans un ouvrage collectif intitulé « Lady Chatterley, figure mythique » publié en 1998, le professeur de littérature Richard Hoggart, figure témoin de la défense, revient sur cette entrée en matière du procureur. C'était la première indication nette que l'accusation allait être dirigée par un personnage incroyablement dépourvu de tout sens des transformations culturelles de l'après-guerre. Pratiquement isolé dans la forteresse de son monde juridique, un monde où il allait encore de soi non seulement qu'on avait des domestiques, mais que l'épouse était guidée sinon contrôlée dans ses lectures. Face à l'accusation, la défense de Penguin Books se doit d'être audacieuse. Menée par l'un des plus grands avocats anglais de l'époque, maître Gerald Gardiner, elle a contacté pas moins de 300 personnes, toutes qualifiées, prêtes à défendre Lady Chatterley. Ils seront finalement 35 témoins déposés 6 jours durant. Critiques, écrivains, professeurs, tous contre la censure et pour la vérité d'une œuvre. Car n'en déplaise au procureur, réduire l'amant de Lady Chatterley à un adultère torride entre une aristocrate frustrée et un prolétaire vigoureux est un non-sens. Et pour cause. La réputation sulfureuse du roman a éclipsé sa force littéraire, politique, mais aussi philosophique. Par sa haute estime du corps et des relations charnelles, Lawrence fait de la sexualité un art de vivre. Après les horreurs de la Première Guerre mondiale, après les affres de la Révolution industrielle, seule la tendresse pourra réconcilier les hommes. Tendresse. C'est d'ailleurs ainsi que Lawrence voulait initialement intituler son roman. Lorsqu'il s'y attaque, en octobre 1926, il a 41 ans et déjà une vie passée à la marge. « David Herbert Lawrence est né en 1885 à Eastwood, village minier des Midlands, au cœur de l'Angleterre du charbon. Fils d'un mineur de fonds et d'une institutrice, c'est un gamin chétif, timide, à la santé fragile. À 26 ans, une violente pneumonie le contraint à abandonner sa jeune carrière d'enseignant. Le salut viendra un an plus tard, en 1912, avec la rencontre de Frieda von Richthofen, baronne allemande, épouse de son ancien professeur de lettres. Le coup de foudre est immédiat, réciproque. Frieda abandonne son mari et ses trois enfants. Deux mois seulement après leur rencontre, cette fuite scandaleuse scelle leur destin commun. Comme le raconte le biographe de Lawrence, Andrew Harrison, dans le documentaire de Mathilde Damoiselle, le procès de Lady Chatterley, orgasme et lutte des classes dans un jardin anglais. Lawrence était absolument dévoué à Frieda. Une grande part de sa créativité venait d'elle. Je devrais aussi ajouter qu'il défendait vraiment la liberté de Frieda dans leur mariage. Et à plus d'un égard, l'amant de Lady Chatterley, qui raconte l'histoire d'une femme dont le partenaire devient impuissant et incapable de la satisfaire sexuellement, et qui se tourne vers un autre homme, encode en un sens la situation de Lawrence au moment où il l'écrit. Il avait été diagnostiqué tuberculeux en 1925 et était malade depuis longtemps. Il savait très bien que Frieda allait voir d'autres hommes pour satisfaire ses désirs. Et il a totalement défendu son droit à faire cela. C'est l'un des aspects les plus extraordinaires de leur mariage, qu'il ait toujours eu le courage et l'intégrité de défendre son droit à elle, à s'épanouir physiquement et sexuellement. Leur passion amoureuse sera à l'image du caractère de Lawrence, tumultueuse, tout comme les romans qu'il ne cesse d'écrire. Publié en 1915, L'Arc-en-Ciel, grande fresque sur trois générations de femmes amoureuses, est éreinté par les critiques, immédiatement censuré et interdit. Les exemplaires sont pilonnés. Ses poèmes connaissent le même sort. Lawrence aime jouer avec les tabous de son temps et préfère l'exil au conformisme britannique. Pendant 20 ans, il parcourt le monde, séjourne à Capri, à Taormina, en Sicile, dirige un ranch au Nouveau-Mexique, sillonne la Polynésie et l'Australie. Ses pas, pourtant, ne cessent de le ramener sur sa terre natale, dans les Midlands, cette région tout entière consacrée au charbon, à la mine qui régit la vie de tous, mineurs et patrons, génération après génération. Sa dernière visite à Eastwood, en septembre 1926, le marque profondément. L'Angleterre est devenue laide, écrit-il. Et l'échec de la grande grève des mineurs finit de déprimer. Pourtant, début octobre, de retour à Florence, Lawrence, affaibli par la tuberculose, sent à nouveau surgir l'énergie créatrice. Chaque matin, il quitte la villa Miranda où il séjourne, gagne les pinèdes et s'assoit au pied d'un arbre, un cahier sur les genoux. Peu à peu, le visage de Constance Chatterley se dessine. De son chef-d'œuvre, il écrira une première version, puis une deuxième, intitulée « Lady Chatterley, l'homme des bois ». Et enfin, entre novembre 1927 et janvier 1928, la version définitive, celle qu'on lit aujourd'hui, elle est prête. Mais à peine le manuscrit refermé, l'écrivain pressent déjà qu'il paiera très cher ses audaces. Comme il le confie d'ailleurs dans une lettre adressée à l'artiste Dorothy Brett. J'ai terminé mon roman. J'en suis content, mais il est si inconvenant, selon les normes de tous ces pauvres imbéciles conventionnels, qu'il ne sera jamais imprimé. Et il n'est pas question que j'y fasse des coupures. Lawrence, en effet, sait bien qu'en l'état, son roman n'a aucune chance d'être publié en Angleterre. Aussi, décide-t-il d'acheter du papier et, pour 300 livres sterling, de le faire imprimer à compte d'auteur, ici, à Florence, où personne ne comprend l'anglais. Le livre se vend sous le manteau, à 1000 exemplaires, tandis que les douaniers américains le refoulent aux frontières et que Scotland Yard le confisque. Condamné pour obscénité et pornographie, le livre subira de multiples piratages, avant qu'une édition expurgée ne sorte en Angleterre en 1932. Réaction unanimement scandalisée de la critique. Il faut être un pervers, un esprit malade pour oser écrire un tel outrage à la morale, peut-on lire. Non content de choquer en littérature, l'écrivain choque aussi en peinture, passion à laquelle il s'adonne. En 1929, un an après l'écriture de Lady Chatterley, ses toiles d'un érotisme débridé sont confisquées par la police britannique lors d'une exposition à Londres. Il ne s'en remettra pas. Le 2 mars 1930, vaincu par la tuberculose à l'âge de 44 ans, il s'éteint dans un sanatorium de Vence. Il laisse derrière lui plus d'une trentaine d'ouvrages, romans, pièces de théâtre, nouvelles, récits de voyage, poèmes, lettres innombrables. Mais sa réputation de pornographe le condamne à la marginalité. 30 ans après sa mort, le retentissant procès de l'amant de Lady Chatterley parviendra-t-il à réparer l'oubli? Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Now give us fever when we kiss us, fever with thy flame in use. Fever, I'm a fire, fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare. Give me fever with his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus, Daddy, won't you treat him right. Now you've listened to my story, here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade. They give you fever when you kiss them, fever. If you live, you learn. Fever till you sizzle. What a lovely way to burn. Affaire sensible, Fabrice Drouel. Les ennuis de Lady Chatterley, oui, c'est un titre un peu modifié, mais c'est celui qui nous inspire ces mésaventures devant Lord Bailey de Londres. Les jouets londoniens vont-ils réhabiliter l'amant de Lady Chatterley, le célèbre roman de Lawrence, interdit depuis 32 ans pour obscénité? Mais il faut d'abord juger sur pièce, aussi bien les 12 jurés enfermés dans la salle du tribunal depuis ce matin, confortablement assis dans de profonds fauteuils, écoutent-ils la lecture qui leur est faite des passages les plus osés? Le sujet, faut-il le rappeler, ce sont les amours passionnés de Lady Chatterley avec son garde-chasse. Les jurés auront les 2 jours de week-end pour se remettre de la lecture d'aujourd'hui, lundi, reprise et fin. Après quoi, on saura si la vente du livre sera autorisée en édition non expurgée, telle que la présente la plus puissante maison d'édition britannique, Penguin Books. Lundi 24 octobre 1960, troisième jour de l'audience. Après un week-end de repos, les 12 jurés reprennent place à la cour criminelle de Londres, le Old Bailey. La parole est désormais à la défense. À la barre se succèdent quelques experts de l'œuvre de D.H. Lawrence, romancier, professeur, critique, écrivain, mais aussi, plus étonnant, un psychiatre et même l'évêque de l'église anglicane de Woolwich, John Robinson, père de 4 enfants. Quelques rires étouffés saluent son arrivée à la barre. « Mon opinion est très claire », déclare-t-il. Lawrence s'efforce de dépeindre les relations sexuelles comme une chose essentiellement sacrée. La chair, pour lui, était un sacrement. Les descriptions qu'il en fait ne peuvent être dissociées de ce qui est, pour moi, sa sensibilité extraordinaire à la beauté et à la valeur de tout lien entre ce qui vit. Alors il me semble qu'en aucun cas l'on puisse y voir quoi que ce soit de sordide. Son plaidoyer en faveur de Lady Chatterley, de ses qualités morales et littéraires, font sensation auprès des jurés. Les avocats de la défense prennent la balle au bond et ça marche. Au sommet de l'église, en revanche, on croit avoir mal entendu quoi ? Un évêque qui vient faire l'éloge d'une histoire d'adultère, my God ! Ça mérite au moins un rappel à l'ordre, comme en témoigne le correspondant à Londres de l'ORTF. Eh bien, l'évêque de Woolwich a déclaré aujourd'hui le primat de l'église anglicane, a eu tort de participer à ce procès. Il a offensé de nombreux chrétiens. La loi est un piètre instrument quand il s'agit de problèmes moraux. Ainsi, elle regrette l'adultère, mais elle ne le rend pas illégal. Or, pour le chrétien, l'adultère est toujours un péché. L'église anglicane qui dénonce l'adultère, pour les censeurs, c'est l'arbre qui cache la forêt, car au fond, ce qui n'a jamais été pardonné à Lawrence, c'est l'avoir su bien décrire et si bien décrire l'émancipation d'une femme. En découvrant le plaisir dans les bras de Mellors, le garde-chasse, Lady Chatterley, prend surtout conscience de sa propre puissance, échappe à sa destinée, elle prend le pouvoir sur elle, bref, elle maîtrise sa vie. Lawrence parle de sexe dans une époque qui ne l'accepte que dans le cas du mariage légitime, qui condamne les filles perdues et prône l'ignorance du corps. Mais lui, l'écrivain, a l'intuition qu'une révolution souterraine est en cours et qu'elle sera résolument sexuelle. Que la conquête du plaisir émancipera les femmes autant que le vote et l'égalité. Malgré tout ce qu'on pourra dire, écrit Lawrence dans la préface de Lady Chatterley, je déclare que ce roman est un livre honnête, sain et nécessaire aux hommes d'aujourd'hui. Un témoin cité par la défense ira plus loin, déclarant que ce livre est moral, sinon même puritain. Alors le procureur Griffith Jones s'étrangle. J'ai donc passé ma vie dans l'ignorance de ce que signifie vraiment le mot puritain. Tiens donc, voulez-vous m'aider ? Alors, le professeur de littérature Richard Hogarth reprend la parole et rappelle la définition originelle du puritanisme, à savoir un acte conscient avec un sens intense de sa responsabilité. En ce sens, l'amant de Lady Chatterley est un roman puritain. Voilà. Déstabilisé, Griffith Jones l'invective. Merci pour cette leçon. Voyez donc plus précisément ce que vous décrivez comme puritain. Page 170, oui, je vous lis. C'était cela l'amour, ce déhanchement ridicule et le fléchissement de cet insignifiant pauvre petit pénis humide. C'est puritain ça ? Oui, répond Hogarth. Et voyez-vous, chargé de conscience. L'échange se poursuit sur le même ton brillant d'ailleurs. Ce fut, dit-on, l'un des plus longs, sinon le plus long des interrogatoires de témoins dans l'histoire de la première cour. Mais il marque surtout un tournant décisif dans le procès. En réalité, pour les censeurs, Lady Chatterley est surtout coupable d'ébranler l'ordre social britannique, comme l'explique le même professeur Richard Hogarth en 1998. Certains milieux en Grande-Bretagne sont hantés par la peur de l'anarchie, de soulèvements révolutionnaires des ouvriers. Cette peur s'associe au puritanisme relatif à la sexualité. Certaines personnes ont le sentiment qu'il serait réellement dangereux de permettre aux classes populaires d'avoir accès, par des éditions brochées bon marché comme Penguin Books, à des descriptions sans périphrase ni contrainte où le mot « fuck » apparaîtrait imprimé. Cela pourrait donner des idées au peuple. De novembre 1960, sixième et dernier jour du procès. Le juge Bryan, 70 ans et des poussières, catholique fervent, clôt les débats en s'adressant directement aux 12 jurés. Il ne s'en cache pas. Si c'était à lui d'en décider, Lady Chatterley resterait vouée aux gémonies, censurée pour des décennies. Voilà, comme ça c'est clair. On raconte d'ailleurs que sa femme lui a tricoté un petit sac pour ranger son exemplaire, histoire que les journalistes ne le prennent pas en photo avec cette horreur. Le jury se retire enfin pour délibérer. 3 heures plus tard, la sentence est adoptée à l'unanimité. Lady Chatterley, non coupable. Voilà, la couronne britannique a perdu son procès contre les éditions Penguin. Trente ans après son écriture, le roman de D.H. Lawrence peut enfin être lu librement dans sa patrie. Et les Anglais s'en donnent à cœur joie. En quelques jours, Penguin Books écoule les 200 000 exemplaires imprimés. 6 mois plus tard, les ventes s'envolent à 2 millions. La culture de masse succède à la culture de classe. L'amant de Lady Chatterley gagne alors sa place au panthéon des grands classiques. Adapté au théâtre ou à l'écran, du téléfilm de la BBC au long métrage, de la réalisatrice Pascal Ferrand, César du meilleur film en 2007. D.H. Lawrence aussi acquiert enfin ses lettres de noblesse. Il est devenu symbole de la liberté d'expression et chantre de l'émancipation des femmes. L'écrivaine américaine Anaïs Nin ne cessera d'ailleurs de lui rendre hommage, comme ici en 1969 sur France Culture. Oui, je crois que j'étais devenue beaucoup trop prise par la rêverie, par ce que Desoye appelle le rêve éveillé. Je vivais dans la littérature et tout d'un coup, c'est peut-être parce que Lawrence a écrit si bien sur les sentiments de la femme, il a éveillé la femme en moi. L'Amérique très puritaine ne l'avait pas fait, la littérature anglaise ne l'avait pas fait, mais Lawrence, qui était justement un révolutionnaire dans ce sens, qui décrivait les sensations, l'instinct, l'intuition, m'a beaucoup frappée. Outre l'œuvre de D.H. Lawrence, le procès en lui-même connut une postérité sensationnelle, pièce à succès dans le théâtre de l'imagination britannique. Il est vrai que cet événement touche les Anglais sur quelques points très sensibles. Limite et légitimité de la censure, sexe, littérature, et se mêlant à tout ça, différence de classe. Le verdict, enfin, marque une première victoire symbolique contre l'establishment et contre tous ces hommes en pantalon rayés, pour reprendre l'expression de George Orwell. Une bataille qui rejoint, au cours des années 60, les luttes pour les droits de l'homme et de la femme, la légalisation de l'homosexualité et de l'avortement, l'abolition de la peine de mort, la réforme des lois sur le divorce. L'acquittement de Lady Chatterley fut le premier signe que la victoire de ces valeurs-là en Grande-Bretagne était possible. En 1967, l'écrivain Philip Larkin le dira dans un poème resté célèbre. On a commencé à faire l'amour en 1963, entre la fin de la censure de Chatterley et le premier disque des Beatles, la révolution pop est en marche. Love me do, oh, love me do, yeah, love me do. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter, aujourd'hui le destin du roman L'amant de Lady Chatterley, dont nous allons parler avec notre invitée, la réalisatrice Mathilde Damoisel. Bonjour. Bonjour. En 2019, vous signez un très beau documentaire sur le sujet, intitulé Le procès de Lady Chatterley, orgasme et lutte des classes dans un jardin anglais. C'est truffé de bons mots, mais c'est très bien, parce que ce sont des bons mots qui font sens. C'est produit par Carc, qui est actuellement disponible sur le site d'Arte. Comment en êtes-vous arrivé à vous intéresser à ce sujet? Étiez-vous une lectrice de l'œuvre de Lawrence, ou est-ce plutôt l'affaire juridique, le procès autour du roman qui vous intéressait? C'est vraiment le procès. À l'époque, il y a 2 ans, Arte lançait une collection de documentaires sur les grands romans scandaleux qui avaient marqué leur histoire. Bien évidemment, on pensait à l'amant de Lady Chatterley. Et je savais que le procès avait été un moment très important dans l'histoire sociale britannique, vous l'avez rappelé, un moment charnière qui a signé l'entrée de l'Angleterre dans les 60s. Ce que je n'ai découvert qu'après m'être immergée dans les minutes du procès et dans les archives, c'est à quel point ce procès avait été un très grand procès littéraire, un très grand moment avec des grands moments comiques et une véritable comédie de mœurs. Ça me rappelle le procès d'Oscar Wilde, bien sûr, qui avait fait une véritable démonstration de talent oratoire, de rhétorique, et il était admiré des gens du public, mais ça l'a vraiment desservi auprès de la justice, hein, parce qu'il a pris lourd après, très très lourd, de profondis. Mais dans le cas du procès de l'amant de Lady Chatterley, vous retrouvez exactement ces ingrédients. Ouais. Vous avez, côté accusation comme côté défense, des ténors qui vont se mener une joute absolument sensationnelle. L'accusation incarnée par Mervyn Griffiths Jones, qui est totalement dans son rôle. On ne sait pas d'ailleurs à ce qu'il y croit vraiment, à ce qu'il raconte. Peu importe, mais la façon dont il le dit, il soutient la thèse qu'il est censé soutenir. Absolument. Et il le fait avec beaucoup de talent. C'est exceptionnel. La hargne qu'il met dans certains interrogatoires est absolument saisissante. Et en fait, ce qui se révèle dans ce procès, derrière cette formidable manifestation de savoir sur l'œuvre de Lawrence, ça a vraiment été quasiment un séminaire sur Lawrence, c'est toute cette dynamique de classe, la violence des rapports de classe se retrouve, notamment, vous avez cité cet interrogatoire dans lequel Mervyn Jones s'acharne contre Richard Hogarth. Richard Hogarth, qui n'est pas n'importe qui à l'époque, qui vient de publier un essai extrêmement important, qu'on a traduit en France « La culture du pauvre », je préfère le titre anglais « The Uses of Literacy », dans lequel il affirme l'existence d'une culture ouvrière. Et Mervyn Jones s'attaque à lui avec tout le mépris et la morve de l'establishment, sauf que c'est trop tard. Et qu'aujourd'hui, enfin aujourd'hui, en 60, au moment du procès, c'est vraiment Hogarth qu'on entend. Et surtout quand il rappelle que le véritable enjeu, eh bien, c'est la possibilité pour tous de lire ce grand classique qu'est l'amant de Lady Chatterley, puisque Penguin, c'est la maison d'édition qui distribue les grands classiques pour le prix d'un paquet de cigarettes. 2 shillings and 6 pence. Yes. On ne peut pas s'intéresser à cette histoire au point d'en faire un documentaire sans aimer l'Angleterre, hein, l'esprit anglais. Et est-ce que vous pensez qu'à partir de ce moment-là, c'est déjà la révolution pop qui est en marche? Je rappelle que la Grande-Bretagne est la patrie de la pop. Hein. Absolument. Alors, la pop attitude, elle commence là, peut-être? Elle commence là, peut-être, elle a certainement commencé avant. Je pense que le procès vient symboliser ce moment. Il se passe, voilà, c'est 1960, c'est le début de la décennie. Les changements, ils sont en cours depuis pas mal de temps. On vit une époque après la Seconde Guerre mondiale où la rigidité du système de classe, de caste anglaise est de plus en plus questionnée, où beaucoup de gens ne veulent plus en entendre parler. Cette organisation upstairs, downstairs, pour prendre le titre d'une série fameuse de l'époque, entre les maîtres et les servants, les domestiques ne fonctionnent plus, n'est plus accepté. C'est une époque aussi où l'université s'ouvre et vous avez non seulement les classes moyennes, mais aussi les classes populaires, la working class, qui a accès à l'université. Et tout ça fait que la domination de cet establishment, sa capacité à vous dire vous avez le droit de lire ça ou non, ne passe plus, c'est plus accepté. Et d'ailleurs, ce sera validé 2 ans après par John Lennon, des Beatles, qui, lors d'un concert, dit aux classes populaires, enfin, les spectateurs lambda, quoi, applaudissez, Et vous, là-haut, en montrant la reine et la famille royale, secouez vos bijoux. Donc là, là l'establishment est bien attaqué deux ans après dans cette mouvance-là. Vous avez fait le choix de la reconstitution avec des comédiens pour votre documentaire, pour certaines parties du documentaire. J'allais vous demander pourquoi, mais je le fais pas. Parce que c'est évident que ces personnages sont formidables. Que c'est un vrai théâtre. Exactement. Pourtant, c'est pas du tout ma façon d'opérer. Je fais des films d'histoire. Ma matière première, c'est l'archive. Donc la reconstitution avec des acteurs, c'était vraiment autre chose. Mais effectivement, quand je me suis fondue immergée dans les archives du procès, je me suis dit que je pouvais pas passer à côté de cette matière. Alors, outre ces reconstitutions, vous avez interviewé de nombreux chercheurs et auteurs, notamment Catherine Millet, qui a publié en 2017 un essai sur Lawrence, intitulé « Aimer Lawrence ». On va écouter un extrait qu'on a puisé dans votre documentaire, et Catherine Millet souligne toute la modernité de l'amant de Lady Chatterley. Il n'y a aucun autre exemple, à ma connaissance, dans la littérature, d'une écriture de la sexualité qui soit aussi direct. Je vois pas de prédécesseur de ce point de vue-là, qui soit allé d'ailleurs aussi loin dans la description de l'acte sexuel lui-même, parce que c'est ça aussi qu'il faut souligner. C'est pas simplement comme ça un mot en passant qui évoque les organes sexuels. C'est sur plusieurs pages la description d'un coït avec les orgasmes, décrit là aussi très précisément. Moi, je dois dire que j'ai jamais lu un orgasme, y compris un orgasme féminin, aussi bien décrit que par Lawrence. Quoi ? La femme a droit à ça, mais c'est scandaleux. C'est quand même formidable pour le coup, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle a le droit à ça, mais en tout cas, on fallait pas le dire, il fallait le cacher. Et la grande vertu du roman, c'est qu'on fait tomber cette barrière-là, c'est clair. On fait tomber cette barrière-là. Alors, le procès, l'accusation reprochait à Lawrence l'emploi de ces mots très crus, très directs, alors qu'en fait, il fait œuvre de vérité. Oui, bien sûr. C'est ça, Lawrence. C'est qu'il refuse d'entourer les choses du sexe par des périphrases, des métaphores, des petites fleurs. Et... Non, il en voir parle. Voir des sourires narquois et idiots, voilà. Au passage. Oui, sans ricanement. Il lui dit, on parle des choses telles qu'elles sont, telles qu'elles se passent, en cherchant la plus grande vérité. C'est assez phénoménal. Et effectivement, il raconte, il met en mots l'expérience d'une femme. Et il le fait... Anaïs Nin l'avait dit, et Catherine Millet aussi me l'avait dit, j'aurais aimé pouvoir écrire aussi bien que lui mes propres expériences sexuelles. Et on suppose que Lawrence a été capable de le faire parce qu'il avait à ses côtés une femme assez exceptionnelle, Frida, cette femme qui a tout quitté pour lui, le confort d'un mariage bourgeois, deux enfants, qui a beaucoup mis en jeu pour le suivre, et qui était une femme très libre. Qui, dans sa jeunesse, avait fréquenté la psychanalyse, les milieux viennois, qui était parfaitement maîtresse d'elle-même. Et à ses côtés, Lawrence s'est vraiment imprégnée de ce qu'une femme complètement en pleine possession de sa sexualité pouvait exprimer. Et l'amant de Chatterley est vraiment un hommage, ou peut-être un clin d'œil, ou le témoignage d'une grande complicité avec Frida. Et vous savez, 60 ans plus tard, cette question du désir féminin n'est pas réglée. Évidemment, pas plus tard qu'avant-hier, mercredi, dans cette émission Affaires Sensibles, nous recevions Emma Baker, cette écrivaine qui était prostituée pendant 2 ans dans une maison close à Berlin et qui nous disait que c'était aussi l'œuvre, enfin le livre qu'elle a écrit était aussi, et pas seulement, mais aussi une réflexion sur le désir féminin, sur le plaisir féminin. Bah, comme quoi l'affaire n'est pas tout à fait réglée encore. Non, on n'a pas fini quelques problèmes d'en parler. Alors, on a évoqué dans le récit le rôle essentiel de la femme, de Lawrence, Frida, donc dans la vie, alors, son écriture, sa vision, ses relations amoureuses, les femmes en général. Combien d'enfants exactement? Alors, Lawrence n'a pas eu d'enfants. Non, mais Frida a eu 2 enfants. Et elle est partie, elle avait 2 enfants. Ouais, d'accord, c'est tout ça. Petit. Okay, je crois que j'ai dit 3 dans le récit, c'est donc exactement. 2. Bah, c'est bien quand on peut corriger voilà. En une fille direct et, un garçon. Et en marchant. Cette Frida, c'était sa muse, en quelque sorte? Votre avis ? S'amuse, peut-être. Je pense plutôt une véritable complice. Je ne pense pas que Frida pouvait se laisser enfermer dans un rôle de muse. Elle a été extrêmement actrice de sa vie. Elle l'a suivie, bien évidemment, elle l'a encouragée. Mais c'était une femme immense. faut voir ses photographies. C'est pas du tout une petite chose éthérée. Elle est forte. Elle a un visage très marquant, avec un immense sourire. Elle est pleinement maîtresse d'elle-même. Et elle a été son soutien, elle a été sa complice, je pense, vraiment dans l'existence. Et voici nos amis féministes qui arrivent. Alors c'est comme mercredi avec Eva Pecker, quand elle a écrit son livre, les féministes ont hurlé en disant « Apologie de la soumission de la femme ». Bon, ça les regarde, peut-être que elles sont libres d'exprimer ça, évidemment, et on s'en fait même l'écho. En tout cas, dans les années 70, le roman est mis à l'index par les mouvements féministes. Voilà. Alors pas par tous les mouvements féministes, c'est Kate Millett. Laurence est accusée par un certain nombre d'entre ces mouvements de misogynie et de phallocentrisme. C'est-à-dire vénérer le phallus. Bon, qu'est-ce que vous pensez de cette critique-là ? Je trouve très exagéré, même s'il y a un fond, quoi. Kate Millett, donc dans La politique du mal, s'en prend à Laurence. Elle le décrit effectivement comme phallocrate et elle dit que l'amant de Lady Chatterley n'est que des scènes d'adoration du phallus de Laurence par Constance. Quand on a vraiment lu le livre, on peut absolument pas réduire le livre à ça. Bien sûr. Mais il est vrai que Laurence lui-même appelait son roman un roman phallique. Alors, ça ne veut pas dire qu'il était totalement phallocentrique et obsédé par lui-même, mais il avait une conception de la sexualité qu'on pourrait appeler hétéronormée, c'est-à-dire que pour lui, il n'y avait rien de au-delà d'une relation hétérosexuelle. Entre un homme et une femme. Entre un homme et une femme. Et il y a notamment un passage dans le livre qui a fait couler beaucoup d'encre, dans lequel Mellors, le garde-chasse, parle à Constance de sa première femme et décrit comment cette première femme se satisfaisait elle-même. Et il évoque le clitoris d'une femme comme un bec agressif qui est là pour déchirer le sexe de l'homme. Et on sent là effectivement voilà, une perception de la sexualité qui est assez... normative. Donc effectivement, on peut dans la critique littéraire noter ça et puis écrire dessus, mais c'est ce que dit Catherine Brown qui intervient dans le film, qui est une universitaire laurentienne. C'est vraiment un livre de la réconciliation, c'est vraiment un livre qui prône la vraie rencontre des êtres. Et c'est pas pour rien, vous l'avez dit, que son premier titre a été La tendresse, Tenderness. Oui, c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Et c'est ce que dit un témoin de la défense, d'ailleurs, on l'a dit dans le récit. Vous serez d'accord avec moi que, malgré tout, la plus grande méprise aura été de réduire trop souvent le roman à son seul aspect érotique. Les scènes charnelles sont aussi importantes dans l'œuvre que la description du monde ouvrier, en particulier du travail des mineurs. Dans votre documentaire, vous interrogez d'ailleurs un certain David Amos, ancien mineur et historien. On l'écoute, on en parle après. D'accord. Ma génération est le dernier lien direct avec la mine. J'ai quitté la mine en 1998. J'avais travaillé de 16 à 41 ans. J'ai repris mes études. J'ai été diplômé à 45 ans. Puis j'ai eu un doctorat à 55. Et j'ai découvert les livres de Laurence. J'ai ma propre perception. Je vois ce qui est juste. Et je peux vous dire que les livres de Laurence ont une vraie valeur documentaire. Le grand classique, c'est Amant et fils. Dans l'histoire de la littérature, c'est probablement le premier roman qui décrit de façon relativement fidèle la réalité minière et la vie sociale qui s'y est organisée. Voilà. Rappelez-nous l'intention de cette interview et le contexte. C'est vrai que je pense que c'est vraiment faire une grande méprise que de réduire l'amant de Lady Chatterley à sa dimension charnelle. Il ne faut pas oublier que ce livre, Laurence l'a écrit en rentrant d'Angleterre en 26, après avoir été témoin de l'échec de la Grande Grève des Mineurs. Pareil, la Grande Grève des Mineurs, c'est un moment extrêmement important dans l'histoire sociale britannique qui, d'une certaine façon, marque la première grande défaite de la classe ouvrière et annonce la suivante, les drames de 1984. Oui, Sous Margaret Thatcher. Restructuration de l'activité minière. Et Laurence est un enfant d'un village minier. Son père était mineur. Il avait conçu une grande admiration, finalement, des anciens mineurs, de la génération précédente, de ces hommes qui descendaient à la mine, torse nu, qui travaillait à la main, qui était fier et qui avait conçu une véritable culture. Ce qu'il voit après 26, ce sont des hommes brisés, des hommes cassés, des hommes qui ont été abîmés par la machine et par l'exploitation. Et L'amant de Lady Chatterley est un roman en colère. Vraiment. Il faut vraiment lire ces pages qui, quelque part, sont plus puissantes que les scènes érotiques, même si elles sont très belles. dans laquelle il décrit le mal, le dommage fait autant au corps des hommes qui travaillent et à la nature. Ouais. Et c'est ça vraiment ce livre. Ce livre, et c'est Sylvain Tesson, que j'ai aussi interviewé, qui le dit, c'est un requiem pour une nature blessée. Et Laurence est bouleversé par ce qu'il voit, il est bouleversé par le mal occasionné par cet âge des machines, à la fois sur la nature, sur la forêt, et sur les corps. Et finalement, les ébats torrides, passionnés et vrais de Constance et de Mélorce dans les bois, eh bien, c'est une réparation. Mmh. C'est l'ultime refuge contre cette destruction qui abîme autant les êtres que leur environnement. Est-ce que cette dimension sociale a été débattue dans le procès ? Elle a été très peu abordée, puisque l'enjeu du procès était de... Un, dire si le livre était obscène, et deux, si malgré son obscénité, il avait des qualités littéraires. Donc ça a été assez peu souligné. Celui qui le fait, effectivement, c'est Richard Hogarth, toujours lui, qui a été le témoin le plus remarqué. Grand personnage de l'histoire. Grand personnage, et très remarqué au moment du procès, uh-huh. Et qui rappelle effectivement cette dimension sociale. Les romans laissent des traces différentes, plus ou moins fortes, dans notre culture littéraire. Celui-là a laissé une trace importante pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer d'un point de vue purement littéraire, en tant qu'objet de littérature. Mm-hmm. Quel est votre regard sur la dimension purement littéraire du roman, Lady Chatterley, au-delà de tout ce qu'il fait ressortir les mots, la qualité de l'écriture? Alors, j'ai eu la chance de pouvoir le lire en anglais. Et je dois dire que c'est un livre qui la traduction n'a pas vraiment rendu service. Bah oui, c'est souvent le cas. Certaines traductions... C'est parfois le cas, pardon. Dans certaines éditions, vous allez lire une traduction qui est assez ancienne, qui gomme, je pense, certaines aspérités. Il y a quand même un style de Laurence qui est magnifique, qui est moderne, une façon de travailler la rythmique de la phrase. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Jouer des répétitions, des sonorités des mots. Et puis quand vous le lisez en anglais, il utilise à de nombreuses reprises le dialecte des Midlands. Mmh. Et là, il y a quelque chose couleur, stylistiquement qui est important, puisque c'est la langue que parle Mélorce, qui est aussi capable de parler l'anglais châtié, mais qui, quand il le choisit de parler le dialecte. Ouais. Et Constance se met parfois à essayer de parler en dialecte. Et là, il y a quelque chose d'assez savoureux qui se joue. Et finalement, Laurence est celui qui a aussi rendu hommage à ces langues vernaculaires qui sont marquées socialement. N'oubliez pas qu'en Angleterre, la façon que vous avez de parler, votre accent, les mots que vous choisissez, en disent énormément sur vous et de là d'où vous venez. Merci infiniment, Mathilde Damoiselle. Je rappelle que votre documentaire est toujours disponible sur le site d'Arte. Oui, absolument. Bien, j'encourage nos auditeurs à le regarder. Merci beaucoup. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui l'amant de Lady Chatterley, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr, bien sûr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission livre, référence, et si le cœur vous en dit, vos commentaires. Merci à Tiffany Battistel qui était à la technique aujourd'hui. Et puisque nous sommes vendredi, j'en profite pour remercier tous celles et tous ceux qui ont préparé les Affaires Sensibles de cette semaine, rédaction et recherche documentaire, Jeanne Mayer, Margot Pinel, Constance Villanova, attachée de production Valérie Priolet, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, voix lecture Damien Prévost, Philippe Pierrard, Julien Large, Marianne Thierry et Cécile Ribot-Cayol, réalisation Coyenne Guyenne, Benjamin Riquet, Hélène Biziot.